Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Éclat de lumière du mois d'août 2025. C'est une émission, encore une fois, un petit peu spéciale, vous allez le voir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le beau temps est arrivé, l'été aussi, et la plupart de mes chroniqueurs sont donc en vacances. Et je suis aujourd'hui donc là, tout seul, pour vous retrouver pour cette émission qui va être une émission principalement, je ne vous le cache pas, musicale, mais qui va me permettre aussi de faire un petit point avec vous, qui est un petit point agenda pour cette fin d'année scolaire, cette fin de saison, avant de reprendre donc sur de nouvelles bases en septembre 2025. Je vous l'avais déjà dit lors de la précédente émission, mais je souhaite à nouveau prendre un petit temps afin de vous remercier tout d'abord, puisque vous avez donc été nombreux à suivre cette émission chaque mois sur Fadjet Radio pour sa première saison, qui était une saison d'essai pour moi, Victor, mais aussi pour tous les chroniqueurs et participants du magazine Lumière en Art. Et je tiens donc à saluer ici Mouloud, Gilles, Aline ou encore Nathalie qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ces émissions, que ça soit en invitant donc un certain nombre de personnes, de personnalités culturelles nancéennes, mais pas uniquement, hein, et qui viennent donc de mondes variés, que ça soit du théâtre, du cinéma, de la musique, par exemple, et qui m'ont donc accompagné tout au long de cette première saison de l'émission Éclat de lumière. Je vous l'avais dit donc au mois d'août, mais cette émission va revenir l'année prochaine pour une deuxième saison. Et qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Et ces nouveautés, elles sont déjà donc en cours de préparation, elles sont déjà donc écrites pour la plupart. Mais je vous invite donc à nouveau à vous manifester sur nos réseaux sociaux afin donc de nous suivre, que ce soit sur les pages Facebook donc à la fois Lumière en Art et Lumière en Art officiel, mais aussi donc pour vous demander un petit peu vos avis, vos suggestions sur cette première saison. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qui était moins bien ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? On a déjà nos petites idées, hein. Je ne vous cache pas qu'on a un certain nombre donc d'interviews, concepts pour nos futurs invités, mais on souhaite avant tout donc prendre en compte vos avis, qui sont donc vos avis d'auditeurs pour cette prochaine saison d'Éclat de lumière. Nous sommes ensemble donc pour un petit peu plus donc de 45 minutes, une heure donc environ pour cette émission spéciale d'août 2025 où je serai donc seul au micro comme je vous l'ai dit. C'est une émission qui va me servir avant tout à revenir sur un certain nombre d'éléments concernant les agendas. Agenda notamment local à Nancy et à Metz. Je vais vous évoquer un certain nombre donc d'éléments et d'émissions d'expositions qui vont se produire tout au long donc de cette fin du mois d'août et jusqu'en septembre 2025, mais aussi donc pour évoquer certaines expositions que j'ai moi-même eu l'occasion de visiter et que vous pourrez retrouver notamment à Paris jusque fin août et début septembre 2025. Je suis donc avec vous pour un peu plus d'une heure et je vais donc vous laisser avec un premier morceau de musique qui est une référence à un festival duquel je vais vous reparler juste après. C'est le festival que nous évoquions lors de notre émission de juillet, c'est le festival Au gré du jazz qui se tiendra donc d'ici quelques jours lors de la diffusion de cette émission, plus précisément du 9 au 17 août à La Petite Pierre. Nous l'avons évoqué pendant un peu plus d'une demi-heure la dernière fois avec notre invité Christian Debat qui était donc le président de ce festival qui se tiendra à La Petite Pierre dans les Vosges pour une 22e édition. Et donc sans plus tarder, un petit intermède donc musical. Cet intermède, il est composé donc par le groupe un petit peu phare, un petit peu le groupe le plus connu de cette 22e édition, à savoir Avishai Cohen. Ça s'intitule Remembering. Je vous retrouve juste après pour vous évoquer le festival et l'agenda culturel nancéen et messin. A tout de suite sur Fadjet Radio. Thank you. De retour donc sur Fadjet Radio, vous êtes dans l'émission donc Éclat de Lumière, cette émission un petit peu particulière donc du mois d'août 2025 où je suis au micro donc pendant une heure afin donc de vous présenter l'agenda d'été du magazine Lumière en Art, mais aussi donc afin de vous proposer un petit peu un panorama de toutes les musiques, de toutes les trouvailles que nous avons eues au cours donc de cette première saison de l'émission Éclat de Lumière. Vous venez d'entendre donc Remembering de Avishai Cohen. C'est un morceau issu de l'album At Home qui est sorti en 2005. J'attire également votre attention sur le nouvel album d'Avishai Cohen qui s'intitule donc Bright Light, qui est sorti l'année dernière en 2024. Je vous le disais donc avant de vous laisser avec ce superbe morceau de jazz ambient, Avishai Cohen se produira lors donc du festival du Gré du Jazz qui se tiendra donc du 9 au 17 août 2025 à la Petite Pierre dans les Vosges. C'est le festival duquel nous avons parlé lors de la précédente émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site donc de Fadjet Radio avec son président Christian Debat. Alors la Petite Pierre, pour revenir un petit peu sur ce festival donc du Gré du Jazz, c'est un festival qui se tient dans un cadre tout d'abord qui est un cadre magnifique. Au cœur donc des Vosges et plus particulièrement du parc naturel régional qui est un des grands acteurs donc du festival depuis maintenant plusieurs années, se tiendra cette 22e édition du festival au Gré du Jazz, qui s'entend être baliser, disons, le territoire du jazz contemporain, avec donc des groupes comme Avishai Cohen ou encore Balak et Sissoko, qui sont donc des incontournables du jazz contemporain et du jazz actuel. Aussi, nous avons évoqué plus en détail avec Christian Debat le futur du jazz. Ces mélanges très particuliers que l'on va trouver avec des genres comme la funk, la pop, le hip-hop également seront donc représentés lors de ce festival du 9 au 17 août à La Petite Pierre. On peut citer par exemple Ayo ou encore l'ensemble donc de Louise Matute que vous aurez la chance d'entendre tout à l'heure. C'est un festival donc absolument exceptionnel avec une programmation riche, des concerts à la fois gratuits mais des concerts aussi payants, plusieurs ateliers pour la jeunesse également qui pourront donc dans ce cadre propice à l'écoute du jazz découvrir pour la première fois ce genre poétique si particulier. Vous aurez peut-être la chance d'ailleurs de nous y retrouver puisque nous nous y rendrons avec notamment Gilles qui est un des chroniqueurs récurrents de l'émission afin donc de visiter à la fois les lieux et de découvrir donc ces différents artistes comme Balak et Sissoko, Louise Matute ou encore Avishai Cohen. C'est donc le festival du Gré du Jazz que vous pourrez retrouver du 9 au 17 août. On est donc à quelques jours du début du festival lorsque cette émission sera diffusée. C'est à la Petite Pierre dans les Vosges. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le festival ainsi que la billetterie sur leur site internet. J'ajoute également, puisque nous l'avons évoqué la dernière fois avec Christian Debat, qu'il y aura donc cette année pour la première fois des concerts délocalisés pour découvrir les activités artistiques et culturelles de la région, notamment à travers la pratique donc de l'artisanat, de la cristallerie ou autre. Vous retrouverez également des produits locaux, notamment des producteurs de vins bio sur place, et des navettes qui desserviront notamment depuis Strasbourg et Saverne pour les week-ends donc où vous souhaiteriez vous rendre donc au festival. Cette introduction donc sur le festival de la Petite Pierre me permet donc d'entamer immédiatement cet agenda, cette première partie d'agenda qui est donc un agenda plutôt local, qui va se concentrer sur les grands événements qui se tiendront donc tout au long du mois d'août à Nancy et à Metz. Et je vais commencer tout d'abord par une exposition que j'ai été voir récemment qui a débuté en avril, du côté du Musée des Beaux-Arts, c'est l'exposition donc Aérosol. Aérosol, c'est une exposition qui retrace l'histoire du graffiti en France de 1960 à 1985. C'est une exposition qui s'était tenue et qui avait connu d'ailleurs un franc succès du côté de Rennes à l'été 2024 et qui se tient donc à Nancy, aux Beaux-Arts, dans le cadre notamment des rencontres urbaines qui se tiennent donc chaque année à Nancy. Alors cette exposition, c'est une exposition qui est tout à fait désarçonnante et intéressante. Déjà parce qu'elle est relativement longue et qu'elle est relativement et volontairement désorganisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de chemin balisé afin donc de se rendre dans l'exposition et qu'on peut la visiter plus ou moins dans le sens que l'on veut. Il existe évidemment un sens chronologique puisque l'objectif est donc de retracer une histoire du graffiti des années 60 à 1985, mais il est tout à fait possible de commencer par les artistes qui nous parlent, les médiums qui nous parlent également. Puisque cette exposition, elle propose tout d'abord une variété de supports et de tableaux et d'œuvres, dirais-je. Puisque tout simplement, nous avons donc, dès le début de l'exposition, une accroche autour donc du matériel qui permet donc tout simplement de produire ces graffitis et ces tags en France. C'est une accroche que j'ai trouvée pour ma part assez originale, puisque l'approche donc par le matériel, c'est quelque chose qui est assez peu connu et qui nous permet donc tout simplement de nous familiariser rapidement et de nous immerger, de nous introduire donc au cœur de l'univers du graffiti. Puis progressivement, au cœur des déambulations, ce sont donc plusieurs décennies d'histoire qui sont retracées, avec d'importants événements tels que mai 68 ou encore la rénovation du centre Pompidou de Paris qui sont représentés et caractérisés par les tags et les œuvres qui ont été produites. On va retrouver des artistes assez variés, avec notamment le petit coup de cœur personnel que sans doute, chers auditeurs, vous connaissez tous, à savoir Ben, dont plusieurs tableaux, plusieurs lettres plus particulièrement, sont présentés donc directement au sein donc du Musée des Beaux-Arts et sont inclus à l'exposition. Des photographies illustrant notamment ces tags sont également montrées pour le visiteur et le spectateur afin donc de l'immerger au cœur notamment des diverses scènes et des divers événements, notamment par exemple, je pense là encore à la rénovation donc du centre Pompidou où les palissades autour du chantier à Paris ont été finalement le cœur de très nombreuses expressions artistiques. On va retrouver également d'autres médiums, puisque des productions liées notamment à la musique, plus précisément à certains concerts des Clash, sont également représentés lors de l'exposition. C'est une exposition qui se tient donc jusqu'au 31 août et qui vaut, à mon sens, véritablement le détour, parce qu'elle permet de sortir des carcans et des clichés habituels concernant donc les graffitis et les tags qui sont très régulièrement vus comme des éléments de dégradation et non pas comme des éléments d'expression artistique, témoignant donc notamment d'événements historiques et reflétant aussi une époque qui est celle donc de la fin des Trente Glorieuses et des années 1980, qui ont été donc marquées par aussi l'augmentation du chômage et des revendications sociales. Cette exposition, elle est donc disponible au Musée des Beaux-Arts de Nancy jusqu'au 31 août et je vous y invite vivement à y faire un tour parce qu'elle me paraît très importante, que ça soit d'un point de vue de l'érudition, mais aussi d'un point de vue purement artistique. Certains tags, je pense notamment aux personnes qui ont parfois vécu ces événements, pourront faire naître des sentiments de nostalgie ou pourront faciliter donc la compréhension de certains événements. J'ai envie de qualifier d'ailleurs certaines œuvres qui sont présentées lors de l'exposition d'Aérosol de finalement d'histoire un petit peu alternative en ce sens. C'est donc l'exposition Aérosol qui est disponible jusqu'au 31 août au Musée des Beaux-Arts de Nancy. En tant qu'historien, d'ailleurs, j'ajouterais au passage qu'il y a un très bel accrochage concernant une revisite des œuvres du musée à propos donc des récits coloniaux qui font un petit peu écho à l'exposition qui s'est déroulée, donc notamment le Paris Noir au Centre Pompidou Paris, mais aussi à l'exposition Après la fin qui se déroule donc actuellement au Musée Pompidou, mais cette fois-ci de Metz. Alors qu'est-ce que cet accrochage ? Cet accrochage sur les récits des coloniaux, il permet tout simplement de témoigner d'une réflexion approfondie des musées et de leurs collections à propos donc de leurs œuvres. Ces œuvres qui sont parfois issues donc tout simplement de la période coloniale, qui ont été parfois volées, parfois achetées durant des guerres ou des périodes de colonisation. Par colonisation, j'entends ici des éléments un petit peu étendus, puisqu'on a la colonisation, par exemple, qui peut se trouver donc en Italie, notamment à l'époque des guerres, au cours donc de la période de la Renaissance, en témoignent des réflexions, notamment sur Caravage ou encore sur Léonard de Vinci, ici, qui permettent donc d'offrir un éclairage nouveau, une réflexion à propos de la propriété de ces œuvres, de ce qu'elles signifient sur l'histoire des musées, sur l'histoire de France. Ça permet aussi une réflexion un petit peu plus élargie et philosophique sur tout simplement ce qu'est un musée. Est-ce que c'est uniquement un élément, un lieu d'érudition destiné donc à enrichir d'un point de vue esthétique et historique ses visiteurs, ou au contraire, est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans un témoignage donc de la puissance de la France et d'une revendication patrimoniale? C'est un accrochage assez court qui se trouve donc au deuxième étage du musée, qui vaut à mon sens vraiment le détour. Ne serait-ce parce que lorsque j'y ai déambulé, j'ai discuté avec un certain nombre d'amis par la suite, qui sont également des amis qui ont fait des études d'histoire et qui m'ont permis tout simplement d'enrichir un petit peu mes réflexions autour de cela et de percevoir parfois différemment certaines œuvres ici. C'était donc, dans un premier temps d'agenda, une déambulation donc à Nancy, plus particulièrement au Musée des Beaux-Arts, pour l'exposition Aérosol, mais aussi donc pour cet accrochage autour des récits des coloniaux. Faut-il brûler les musées ? Je vais maintenant donc évoquer rapidement les expositions donc du Centre Pompidou. Centre Pompidou-Metz, qui, vous n'êtes pas sans le savoir, a reçu un certain nombre d'œuvres du Centre Pompidou Paris, Centre Pompidou Paris, qui est fermé actuellement pour 5 ans de travaux. Mais pour le moment, il est l'heure de vous laisser avec un petit intermède musical. J'ai évoqué donc La Petite Pierre. Je vous passe un court extrait d'un morceau de Lucia de Caravallo qui est intitulé donc Samson Saudier. C'est tout de suite donc dans Fadjet Radio, c'est l'émission spécialité d'éclat de lumière, l'agenda. À tout de suite. Samson Musodye Sodinga Tamwe Mwaleba Kuleba Bitulula Mwe Mwala Kisumba Ibala Lakitu Mwala Maya Kangele Sodinga Tamwe Mwaleba Kuleba Bitulula Mwe Mwala Kisumba Ibala Lakitu Kitu Kitu Ibala Lakitu Kitu Ibala Lakitu Voilà la kitou, kitou. C'est, sac, plaque, kitou, plaque, c'est, kitou, kitou, plaque, sac, plaque, heke, oh, plaque, heke, sac, kitou, plaque. Brrrr. Samson Musodye Sodinga, tamwe, mwaleba, kuleba, bitulula mwe, mwala kisuba, voilà la kitou. Sodinga bitamwe mwaleba kuleba bitulula mwe mwala kizuba ibalala kitu. Quand je vais vous parler pour ce festival donc de du gré du jazz, de variété au niveau du jazz, vous en avez un bel exemple ici, puisque donc Lucia de Carvalho réinterprète les grands classiques donc du jazz et y ajoute donc une touche de modernité avec ce chant très rythmé qui pourrait parfois faire penser à des sonorités un petit peu plus pop et hip-hop. Vous en avez donc un beau témoignage ici avec ce morceau qui était donc intitulé Samson Saudier. Pour terminer rapidement cet agenda donc de l'été pour l'émission Éclat de Lumière, je vous propose maintenant de faire un petit détour du côté donc du musée Pompidou-Metz. Je vous le disais avant cette courte interlude musicale, le musée Pompidou-Metz est au cœur donc d'un certain nombre d'expositions très importantes dans le cadre notamment donc de la rénovation de son grand frère finalement, qui est le musée Pompidou Paris, qui a donc fermé définitivement ses portes à la fin de l'exposition sur le Paris noir. Très belle exposition par ailleurs, qui propose un nouveau regard donc sur Paris, et qui a fermé donc ses portes le 30 juin 2025 et qui est donc en travaux pour une durée de 5 années. Vous le savez peut-être sans doute si vous êtes un Lorrain et si vous habitez proche des villes de Nancy et de Metz, puisqu'un certain nombre donc d'affiches et de campagnes publicitaires ont été proposées pour ce grand événement, puisque dans le cadre donc du lien qui existe entre le Pompidou-Metz et le Pompidou-Paris, une exposition intitulée Dimanche sans fin a été donc mise en place donc pour tout simplement mettre en scène les réceptions, les diverses œuvres des collections du musée donc Pompidou Paris. Cette exposition, elle est assez grande puisqu'elle comporte plusieurs centaines d'œuvres avec des références parmi les artistes exposés. Je pense notamment au jeu d'échecs de Marcel Duchamp. Vous pourrez également retrouver par ailleurs plusieurs ustensiles de la chambre de d'André Breton durant et au cours de l'exposition. C'est une revisite importante à mon sens parce que cette exposition Dimanche sans fin, elle met en scène l'art contemporain comme rarement on a pu le voir en France. La déambulation qui est proposée est une déambulation non seulement picturale avec des tableaux surréalistes qui sont proposés donc au cours de l'exposition, mais aussi avec des statues et des nouveaux supports, notamment vidéo et musicaux, qui permettent tout simplement de déambuler dans la grande structure du musée Pompidou Metz. C'est une exposition qui est disponible donc depuis le 14 juin 2025 et qui va se prolonger. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de vous en reparler avec un grand reportage sur les divers réseaux sociaux de Lumière en Art, puisqu'elle se prolonge donc jusqu'au 2 février 2026. C'est donc une exposition très, très importante et très attendue. Dans dans des horaires un petit peu similaires, le musée Pompidou-Metz collabore également avec le musée du Louvre, puisque donc à ces mêmes dates, le centre Pompidou propose une exposition sur la création de copistes. La copie, c'est quelque chose qui est au cœur de la tradition classique. L'objectif est de copier d'après les maîtres, d'apprendre d'eux des techniques, des canons, des récits, des modèles, d'absorber leur expertise afin donc de la revisiter aussi. C'est aussi faire notre leur maestria et c'est une voie pour le savoir et la création. Plusieurs artistes ont donc reçu des commissaires de cette exposition une invitation ainsi formulée très rapidement avec une citation. À partir de l'œuvre de votre choix conservée parmi les collections du musée du Louvre, imaginez sa copie. Vous vous doutez qu'au vu de la richesse et de la grandeur du musée du Louvre, ces artistes ont donc pu réinventer un certain nombre d'œuvres très importantes ici. Et donc ce qui est particulier, c'est que vous avez la possibilité de visiter donc cette exposition intitulée Copiste à la fois au centre Pompidou-Metz, mais aussi au musée du Louvre justement. Et donc on va se retrouver avec un certain nombre d'œuvres copiées, des grands classiques italiens, je pense évidemment par exemple à la Joconde, à des statues grecques qui ont été donc reprises et revisitées. Vous avez donc l'occasion de visiter cette exposition qui est donc intitulée Copiste et qui se tient donc du 14 juin 2025 au 2 février 2026, donc avec plusieurs centaines d'œuvres copiées durant sur une galerie donc complète de l'exposition du centre Pompidou-Metz pardon et qui donc vous permettent un petit peu de redécouvrir ces œuvres que peut-être certains ne connaissent pas ou n'ont pas eu l'occasion de les revoir en vrai afin d'aborder des thématiques et de voir un petit peu aussi comment ces œuvres ont été un petit peu diffusées dans la pop culture et se sont transmises dans l'imaginaire. C'est finalement reproduire un petit peu les grands mythes et les grands principes de la Renaissance, mais revisités donc au cœur d'un musée donc contemporain. Je crois que nous en avons terminé pour donc cette première partie d'émission. Il nous reste un petit peu plus donc d'une demi-heure à vivre ensemble sur Fadjet Radio, avec donc un agenda local composé donc d'expositions, qu'elles soient à Nancy avec Aérosol, ou des expositions de Dimanche sans fin et copistes au centre Pompidou Metz. N'hésitez pas à vous rendre dans des musées tout au long de l'été. En plus, c'est climatisé. Et puis, cela vous permet parfois de redécouvrir certaines œuvres et tout simplement de vous sensibiliser à l'art. On se retrouve donc dans quelques instants sur Fadjet Radio. Je vous laisse avec un morceau qui nous a beaucoup plu au mois de mai et de juin. C'est une redécouverte un petit peu personnelle que j'ai transmise aux membres de l'équipe. C'est Anderson Paak, donc ce batteur américain, qui propose donc une musique endiablée. Vous l'avez peut-être entendu récemment à travers des feats avec l'artiste Bruno Mars, c'est Bublin. On se retrouve dans quelques instants sur Fadjet Radio où on va passer un moment ensemble à décortiquer trois expositions à Paris. À tout de suite, c'est Éclat de Lumière sur Fadjet Radio. Yeah. cash, look at the cash coming in. Come get your man, this little nigga bugging me. Just need a bag, quit all that jaw jackery. Don't even pass me that, I don't want none of it. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you say it, how that poppin' and shaking. Got me hot as a laser, my posse deep in Iraq. We act a fool for the paper, had a dream and I made it. El Camino on Dayton's, bitches guess over bait. Put the brand on me, bitch, bitch, you bet on my bacon. Big it flat in the blanket, I might just roll out today. I might just roll out to Vegas, head back to my old ways. Cop a roof full of Asian hoes and you blow all day. Look at me, baby, look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, I'm in it, all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high in the middle. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence on my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. Bought the old hoe with the K-stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, chick, I thought you said you didn't have a husband. I'ma stab, no cuckoo, Jackie Chan, no travel. Can't clean it with a beam, blood dripping from the cutthroat. No, Lord, not me, I can never be the one you want to stuff for. Money, money, that machine, guns for the bell, got my stove. R.I.P. the times that I was broke, after life in 9-11, folks. Mad back, liquor clean, dead presents in and I'm a local. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time, patience thinner than a pantyhose. Girl, you're empty apartment. I don't do that. In my prison, you do what I tell you. Get over here. He's gonna get nasty. Stay the fuck up here! One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubbling. De retour sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de Lumière. Je suis donc avec vous tout seul pendant une heure afin donc d'évoquer un petit peu les coups de cœur estivaux du magazine donc culturel Lumière en Art et de vous proposer donc un agenda à la fois local et à la fois national. Si vous nous rejoignez, j'ai donc évoqué dans une première partie d'émission l'agenda à la fois nancéen et messin, plus particulièrement dans les musées. C'est vraiment une émission qui est centrée plus précisément donc sur des expositions temporaires, et je pense maintenant qu'il est temps un petit peu de se poser. Car qui dit août, dit évidemment vacances. Et peut-être que certains d'entre vous, chers auditeurs, vont en profiter pour se rendre dans la capitale française, donc Paris, afin donc de passer un séjour à visiter les grands monuments de la capitale, hein, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, mais aussi peut-être d'en visiter certains musées. Et parmi donc ces musées, le magazine Lumière en Art vous propose donc trois coups de cœur aujourd'hui, qui sont donc trois coups de cœur importants, car ce sont des expositions qui attirent déjà un certain nombre de personnes et un public assez nombreux depuis donc qu'elles sont disponibles. Et elles seront disponibles jusqu'à la fin du mois d'août, puisque la première dont j'aimerais évoquer l'existence, c'est celle donc qui se tient au musée Guimet depuis le 30 avril et qui est intitulée donc « Bronzes royaux d'Angkor, un art du divin ». Effectivement, le musée Guimet propose et consacre une exposition à l'art khmer et au bronze depuis donc le 30 avril. Cette exposition, que j'ai eu donc la chance de visiter il y a quelques semaines à présent, c'est une exposition qui est tout à fait revigorante et impressionnante. Et pour cause, depuis l'année dernière, se trouve sur le territoire français, Osons un petit peu les mots et attaquons-nous donc à certains mythes. Ce que l'on pourrait qualifier de la Joconde du Cambodge. La Joconde du Cambodge, c'est un Vishnu de 5 mètres qui a été retrouvé dans la deuxième moitié du XXe siècle à proximité donc d'Angkor Wat, enfoui donc à plusieurs mètres de profondeur et restauré, puis largement donc diffusé et exposé au musée donc au musée national de Phnom Penh. Or, cela fait depuis quelque temps que cette œuvre très impressionnante est sur le territoire français, dans le cadre notamment d'un partenariat culturel qui a donc été signé avec le Cambodge, mais aussi donc lié à sa restauration qui s'est produite au courant donc de la fin d'année dernière et au début de cette année dans des ateliers nantais. Et depuis le 30 avril, ce Vishnu, il est exposé donc au cœur, au centre même dirais-je, du musée Guimet, puisqu'il est même situé d'ailleurs, et je fais un petit ici spoiler, attention, en dehors de l'exposition temporaire consacrée au bronze, puisqu'il est exposé au centre du musée, vous pourrez l'apercevoir dès que vous rentrez au cœur donc du musée Guimet. En dehors du fait que j'ai une appétence un petit peu toute particulière pour le musée Guimet, parce que j'aime particulièrement me balader dans les collections donc de ce musée qui propose des collections donc variées, que ça soit des estampes japonais, un statuaire très impressionnant notamment venu d'Inde ou encore donc de Thaïlande par exemple, c'est aussi donc l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'art khmer. Et autour donc de ce Vishnu de 5 mètres qui a été reconstitué et modulé de manière inédite un petit peu pour l'exposition, se trouve donc cette exposition consacrée à l'art khmer et au bronze. Et cette exposition, elle est tout à fait revigorante et intéressante. Déjà parce qu'elle a la politesse d'être relativement dense, mais courte. Elle est tout à fait faisable en une heure à une heure et demie si vous souhaitez lire l'intégralité de l'affichage et des explications qui sont relativement denses. Parce que oui, cette exposition, elle ne se contente pas d'être un commentaire esthétique ou tout simplement de mettre en valeur certaines œuvres sans plus d'explications. Vous trouverez donc au cours de cette exposition sur les bronzes royaux d'Angkor de véritables indications sur la manière dont l'art khmer a pu être un vecteur de puissance. Un vecteur de puissance au sens tout d'abord de la fabrication. On commence cette exposition par tout simplement suivre les méthodes de fabrication d'un point de vue géographique mais aussi d'un point de vue purement technique, puisqu'un partenariat avec certains donc artistes, puisqu'il existe toujours des artistes qui travaillent le bronze selon les méthodes donc les méthodes khmer au Cambodge, on a donc le droit de découvrir tout simplement la manière dont ont été tout simplement constituées ces importantes collections des bronzes royaux d'Angkor. Puis progressivement, au fur et à mesure de cette exposition, qui se veut donc une déambulation chronologique et géographique dans les bronzes royaux d'Angkor, on découvre progressivement la manière et l'évolution des représentations donc de l'art khmer. Cet art khmer qui met en scène à la fois Bouddha, Vishnu ou encore Krishna de manière donc importante montre comment le pouvoir khmer s'est diffusé au cœur donc du Cambodge actuel, mais aussi au-delà dans des territoires qui correspondent actuellement au Vietnam ou encore à la Thaïlande. Et ces bronzes royaux témoignent tout simplement de cette splendeur passée, avec un foisonnement de détails très important. À ma connaissance, il est très rare d'avoir autant de bronzes royaux réunis donc en un même endroit. On se croirait tout simplement à Angkor Wat, et cela est facilité par un affichage d'exposition très sobre, très épuré, avec des reconstitutions parfois photographiques et sur certains murs d'Angkor Wat, et donc on se retrouve finalement à un moment comme si on était au temple, tout simplement, j'ai envie de vous dire, et comme si vous-même, vous aviez fait le voyage donc à Angkor Wat et au cœur donc des bronzes royaux. Cette exposition, qui se tient donc du 30 avril au 8 septembre, témoigne également dans sa dernière partie de la manière dont on a redécouvert et restauré progressivement ce Vishnu, que l'on retrouve non pas au sous-sol, j'ai envie de dire, de l'exposition, mais bel et bien au centre, comme une forme tout simplement d'apothéose de cette exposition sur donc les bronzes royaux d'Angkor. Des cartes sont également disponibles afin que l'on puisse se repérer dans l'espace tout au long donc de l'exposition, et cette exposition elle a aussi l'avantage de permettre de découvrir qu'il existait d'autres temples, d'autres sites, d'autres lieux où on a découvert aussi des bronzes royaux en dehors d'Angkor Wat, puisqu'on a parfois un petit peu tendance à réduire cet art khmer à la splendeur dans Corvat et aussi aux destructions qui malheureusement ont été subies durant notamment donc le régime des Khmer Rouges et le régime donc de Pol Pot. Ce musée donc Guimet qui consacre cette exposition à l'art Khmer présente également les évolutions qu'ont pu connaître cet art durant la période de la colonisation française et notamment la manière dont la colonisation a pu permettre parfois de sauvegarder certaines techniques tout en réduisant d'autres au silence afin donc de produire et de conserver ces bronzes royaux d'Angkor. L'exposition donc Bronze Royaux d'Angkor, un art du divin, est disponible du 30 avril au 8 septembre 2025 et je vous invite très vivement, chers auditeurs, à vous balader au cœur donc du musée Guimet parce que c'est un musée extrêmement riche avec des splendeurs, que ce soit en termes d'estampes, de sculptures qui sont des splendeurs que vous ne verrez donc nulle part ailleurs en France et qui propose donc une approche géographique de l'art asiatique en général. Je vous invite donc à vous y rendre de toute urgence et à visiter donc cette exposition qui se tiendra donc jusqu'au 8 septembre 2025 et qui est un véritable coup de cœur du magazine Lumière en Art concernant donc ces bronzes royaux d'Angkor. Vous l'avez compris, c'est donc une émission qui est dédiée à un agenda mais aussi à de la musique et j'aimerais vous faire entendre un morceau, plus précisément une introduction du dernier album des Libertines, qui sont passés récemment à Nancy, hein, c'était à l'autre canal en février dernier, et qui ont donc conquis le public nancéen, notamment avec ce morceau qui s'appelle Run, Run, Run, un morceau plein d'énergie pour courir sur la plage, pour faire son footing, ou se détendre un bon coup avant d'aller donc piquer une tête dans l'océan ou dans sa piscine. Il fait beau, c'est l'été sur Fadjet Radio, c'est Éclat de Lumière. On est ensemble durant encore une vingtaine de minutes pour l'agenda de l'émission Éclat de Lumière sur Fadjet Radio. A tout de suite. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you better. I've handed a band, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He can eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. vous feriez mieux de courir, comme le dit donc Pete Doherty, le chanteur des Libertines, avec donc ce morceau extrêmement entraînant qui caractérise d'ailleurs les Libertines depuis leur reformation il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Nous arrivons donc dans la dernière partie de cette émission Éclat de Lumière, émission donc du mois d'août consacrée à un agenda et aux expositions culturelles que vous pourrez retrouver dans les musées nancéens, messins, mais aussi parisiens, qui sont donc les grands coups de cœur que vous pourrez donc retrouver tout au long de l'été, qui sont les coups de cœur donc du magazine Lumière en Art. Pour cette exposition, j'avais très envie de vous parler d'une exposition qui est déjà un immense succès depuis qu'elle a ouvert en avril 2025. Il s'agit de l'exposition David Hockney 25 qui se tient donc à la Fondation Vuitton et ce jusqu'au 31 août 2025. David Hockney, vous le connaissez sans doute pour ses tableaux les plus célèbres, que ce soit A Bigger Splash par exemple ou son immense reproduction donc très colorée du Grand Canyon ici, et donc notamment pour ses peintures de paysages. Mais c'est trop souvent oublié le fait que David Hockney est un peintre prolifique qui n'a cessé de produire donc ces dernières décennies et pas uniquement au cours des années 60 et des années 1980. Et cette exposition, elle a un grand intérêt, en dehors du fait donc de permettre aux spectateurs de voir pour la première fois ces très célèbres œuvres qui sont contenues pour la plupart dans les premières salles du musée. Elle comporte donc l'avantage de montrer l'évolution de David Hockney ces dernières années, puisque le peintre, qui est maintenant âgé de plus de 80 ans, si je ne m'abuse, continue très régulièrement de peindre et d'exposer. Et c'est un premier point sur lequel je tiens à insister pour évoquer cette exposition, c'est le fait que David Hockney a directement participé à la mise en scène de cette exposition et qu'il est donc l'un des principaux commissaires de cette exposition donc qui lui est consacrée. Cette exposition, elle permet donc de montrer rapidement l'évolution de David Hockney, mais surtout de se concentrer sur les dernières décennies de sa vie, sur les deux dernières décennies donc de sa vie, donc les décennies 90, 2000 et 2010, en montrant notamment l'évolution des supports sur lesquels David Hockney a peint ces dernières années. Et notamment, et c'est sur ça que j'aimerais attirer votre attention pour vous inciter à vous rendre à cette exposition, elle montre notamment comment David Hockney peint sur iPad et comment tout simplement l'iPad et les nouvelles technologies peuvent permettre tout simplement de compléter la palette artistique de certains peintres qui se mettent à peindre sur des supports donc numériques, ce qui est un gain à la fois de temps, ce qui peut permettre également de produire beaucoup plus. Et c'est assez déroutant. C'est assez déroutant parce que tout simplement, aux grandes toiles des premières salles vont commencer à se succéder certains écrans qui vont répondre à des peintures, à des impressions des tableaux de David Hockney qui étaient donc des tableaux numériques. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, dans certaines salles, des peintures en écho à la fois présentées sur un écran et présentées sur support papier. C'est assez déroutant. C'est assez déroutant dans un premier temps, mais ça permet tout simplement de mettre tout simplement en valeur la peinture de David Hockney et cette nouvelle technique. Plusieurs timelapses sont proposés durant l'exposition pour montrer un petit peu comment tout simplement David Hockney peint, les techniques qu'il peut utiliser notamment sur iPad, montrant notamment la variété de la palette de couleurs ou la variété de l'épaisseur du crayon pour voir un petit peu comment David Hockney a peint, notamment durant le confinement, le paysage derrière chez lui, puisqu'il a acheté une maison en Normandie durant donc le confinement, puisqu'il a offert un certain nombre de toiles à ses amis. Et donc cette exposition, elle permet donc d'apporter une véritable réflexion sur ce qu'est l'art aujourd'hui et comment les nouvelles technologies peuvent tout simplement influencer les artistes peintres contemporains. Et cette exposition qui est très riche, hein, puisqu'elle fait environ 20 à 25 salles, prévoyait environ 2 heures d'ailleurs pour la visiter au complet et pour savourer la variété des paysages et des formes qu'a pu prendre la peinture de David Hockney. Elle se conclut par une très très très belle surprise dont je ne vous dévoilerai rien, puisque la dernière salle du musée propose, de la fondation propose donc tout autre chose qui concerne évidemment David Hockney, mais David Hockney sous un prisme plus musical. Je ne vous en dirai pas plus. C'est donc une expo très importante de l'été donc à Paris. Je conseille également vivement les réservations parce que le monde est assez important et je dois ici vous prévenir que devant les œuvres se trouve énormément donc de monde qui souhaite prendre des photos et profiter. Donc ne tardez pas à réserver parce que c'est un incontournable de cet été parisien. Cette exposition donc qui s'intitule David Hockney 25 qui se tient donc du 9 avril au 31 août à la Fondation Vuitton. C'est une exposition qui, à mon sens, n'est absolument pas à manquer si vous êtes de passage à Paris durant votre été. Il va me rester donc une dernière exposition à évoquer dans cette émission. C'est une exposition donc qui se tient au Grand Palais, qui est une exposition sur l'art brut et plus précisément qui concerne une donation. Cette donation, c'est la donation des Charmes, qui est une donation donc qui se tient, qui est issue donc du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, je ne cesserai de le répéter dans cette émission, je le crois, est donc fermé à Paris depuis le 30 juin et pour une durée de 5 ans. Toutefois, la programmation du musée ne s'arrête pas là parce que à travers divers lieux à Paris, que ça soit le Grand Palais ou une délocalisation dans d'autres musées comme le musée Pompidou-Metz que nous évoquions tout à l'heure, l'art contemporain continue donc de se perpétuer et cette exposition événement qui s'intitule Dans l'intimité d'une collection, donation de charme au Centre Pompidou, se tient donc au Grand Palais du 20 juin au 21 septembre 2025. Cette exposition, elle est un petit peu hors norme, parce qu'elle contient donc plus de 400 œuvres ici qui révèlent donc l'exceptionnelle collection du réalisateur Bruno de Charme, qui est une collection fruit de 45 ans de découvertes et de rencontres de l'art brut. Dans cette exposition, qui est donc thématisée à travers différentes donc, thématiques, notamment à propos des sujets, par exemple, ou à propos encore des différents artistes qui sont donc exposés, propose donc de familiariser le spectateur avec ce que l'on appelle l'art brut. L'art brut, c'est un terme qui a été théorisé donc par Dubuffet et qui va témoigner donc d'un courant artistique après la Seconde Guerre mondiale que l'on réduit trop après la Première Guerre mondiale, excusez-moi, que l'on réduit souvent trop aux troubles psychiatriques des artistes donc qui composaient ce mouvement. Certains artistes sont assez connus, bien que les toiles exposées, et je préviens tout de suite, ne sont pas les toiles et les œuvres les plus connues de ces artistes. Hein, on peut citer par exemple Niki de Saint-Phalle, qui est l'une des artistes donc exposées ici et dont les tableaux peut-être, dont les œuvres pardon les moins connues sont exposées donc dans cette grande manifestation qui est la manifestation de Bruno de Charme. On s'est donc employé à présenter, à mettre en scène cette collection. Bruno de Charme est un des personnages qui participe donc à la mise en scène de cette exposition, parmi d'autres donc commissaires d'exposition. Et cette déambulation, elle est ici extrêmement intéressante, parce qu'elle propose donc de revisiter tout simplement l'art brut, loin des clichés que l'on peut connaître et des diverses réputations qui précèdent ce courant artistique, avec donc des sculptures, avec des tableaux qui permettent donc tout simplement de mieux comprendre la genèse de ce mouvement et les diverses nuances qui peuvent le composer, sans le réduire encore une fois à toute la folie qui plane autour de ce mouvement de l'art brut et qui n'est finalement que trop réducteur ici. Je vous invite donc à aller le visiter, c'est disponible jusqu'au 21 septembre 2025 et ça fait partie donc des collections du Centre Pompidou Paris, ça s'appelle Dans l'intimité d'une collection, donation de charme au Centre Pompidou au Grand Palais à Paris. C'est un coup de cœur du magazine donc Lumière en Art et plus précisément de l'équipe parisienne de Lumière en Art que vous entendez jamais, voire trop rarement dans cette émission et que j'aimerais faire beaucoup plus entendre, dont j'aimerais faire beaucoup plus entendre la voix au cours donc de cette saison qui s'annonce. Voilà pour l'agenda parisien. Ici, je vais vous laisser donc avec un dernier morceau de musique, qui est un morceau donc de musique de Louis Matute, qui s'intitule donc Narcissus. Louis Matute, qui fera partie de la programmation du festival du Gré du Jazz que je vous évoquais tout à l'heure, plus tôt dans cette émission. C'est la fin donc de cette émission un petit peu spéciale liée à l'agenda donc du mois d'août et de septembre 2025 que j'ai composé donc tout seul. C'est une émission donc de vacances que vous pourrez retrouver disponible en podcast sur Fadjet Radio si vous avez besoin des références et des dates de certaines des expositions, qu'elles soient donc des expositions en Lorraine ou à Paris. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes fortement incités à participer sur les réseaux sociaux du magazine Lumière en Art, donc les pages Facebook, Lumière en Art officiel, ou encore donc l'Instagram de Lumière en Art, à nous faire vos retours sur cette première saison de l'émission Éclat de Lumière que j'ai pris un plaisir fou à animer aux côtés de mes chroniqueurs, notamment donc Gilles Mouloud, Aline ou encore Nathalie, avec donc la grande variété d'invités qui nous ont permis donc d'animer ces émissions et que je salue au passage. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, à nous faire également vos suggestions sur la nouvelle saison à venir. Plusieurs nouveautés sont déjà donc au programme, plusieurs concepts d'interviews et des émissions donc thématisées, notamment en lien avec les grands événements culturels de l'automne et de l'hiver qui s'annoncent chargés en Lorraine. Surtout profitez de vos vacances, n'oubliez pas de vous cultiver, sortez dans les musées et dans les divers spectacles que vous pourrez avoir au cours de votre été. Et quant à moi, je vous retrouve donc au mois de septembre avec une émission dans laquelle nous parlerons notamment du Livre sur la Place, hein, qui s'annonce cette année extrêmement prometteur, avec à sa tête donc comme président Guillaume Gallienne. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Victor pour l'émission Éclat de Lumière, émission culturelle du magazine Lumière en Art. On se réécoute plutôt le mois prochain. Ciao, bye bye.